Hoy en el single de hoy. La perseverancia es esa obstinación que nos titula de exitosos cuando logramos el cometido, pero también es la que nos tilda de locos cuando no lo conseguimos. La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Tateti, suerte para ti, y con este tateti te dará la suerte a ti, tateti. We'll be right back. Thank you. @gmail.com. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Looking for absolution. Forgive. forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You're stumbling in my footsteps. Keep the same appointments I pressed. If you try walking in my shoes, if you try walking. Try walking in my shoes. Try radio@gmail.com. Liverpool, 1964, casa de Paul McCartney. Sí, Paul, ¿qué tenés? ¿Un gallinero en el fondo? ¿Todos los días vos revuelto en tu casa? ¿Sabés, Paul? Estuve pensando en dejar esto de los huevos, el tocino y arrancar para los vegetales. ¿Y si le ponés yesterday? Crumblings, un revoltijo de genialidad. Right, child. It's Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. El Codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por un huevo radio. Ay, si tengo cualquier cosa, oh. ¿Y que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale decir? Tengo vegetaciones, tarado. Ah, pero anda a pelarte, oh. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Today, the light bulb. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Impeca. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rico y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Crumbling, un revoltijo de genialidad. Take a chance. Hola. Desde que comenté en Facebook que quería preparar polenta, los comentarios y sugerencias han sido interesantísimos. Como habréis visto, os he ido colgando recetas que me parecían interesantes. Y finalmente he cogido un poquito de cada receta para preparar esta versión. Para los que no sepáis qué es la polenta, es sémola de maíz. Y se puede comer como un cuscús o sólida, que es la manera en la que la voy a preparar. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of goal, some kind of majesty, some chemical load. Kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man-made, they wear phony clothes, they sit with a picture with the big some kind of nature. Plastics and digital foils to wrap up the sand and protect the girls from the spiritual poison you spell at night like phony clothes, but I really like mice. Some kind of nature, some kind of nature, some kind of soul. And the boss dog, Planet of the Apes. Emotion. gather around. Yeah, I need your focus. I know it seems like the world is so hopeless. It's like Wonderland. Fascinate me, picture and animate me, cause I'm rolling, heat holding, click clacking, crack a lacking, full packing, mo stacking, hanging the fool when I teach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Mirror, mirror, on the wall, boss dog, give it to him, get involved, turn it up. Speed it up, slow it up. Underground, buddy, under us. Undercut, shipped up, chipped out. Swimming with the sharks with my gills up. Turn the wheels up real tough. Drinking lemonade in the shade. Getting blazed with a gang of peel blood. Yeah, this is my path. Belly flopping, rocking while I'm rocking in the bubble bath. And I'm just like math. Four zones added up to get you more cash. Yeah, so quick, so fast. All the kids say they love me when I make them laugh. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep with future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat under sunshine pylons. We'll meet while rain is falling like grindstones from the sky. Love's like rhinestones.

boil your eggs and you go up the river. Listen to the ass jack, that freaky nigga. Now I'm that rock and I shock and I tick and I talk and I can't stop with the body rush. I got hot like John Stars. He ain't Max Mars. Pass me the mic and I'll be rocking the whole bar. From the M to the C to the A and it's a boss. The rhymes that we boss on the topic of lust. And my mouth is not blood, but fuck it, let me get down to the rhythm. Yes, I get funky and I'm shooting on my chism like John Boone, the X-rated nigga. Listen to the shit, cause I am the ill figure. Everybody's getting any bigger than this. Get it together. Get it together. Get it. Phone is ringing, oh my god. Get it together. For them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. Well, cheese and cheese, and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no back. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma Hazel and a grandma Chili. I'm a grandma Bliss, and I'm also a rebel. Born on the cusp in the month of November. I do the patty duck in the kings. You don't remember? Well, I freak a fucking beat like the shit was in a blender. Communication. Marbell got the ill communication. Marbell got the ill communication. Marbell. Keep it on and on and on. Yeah. Bienvenido. Lo extrañamos. ¿Qué le parecen los cambios? Termina esta noche. Sí, lo sé, lo he visto. Porque el resto de mí solo gozará del show. Porque ya sabemos que yo soy el que lo vence. Check Louis Poplou là, du 9-3, là où la vie est speed et tout le monde roule à 100 à l'heure, yo, yo, yo. Yeah, yeah, yo, fais ça dans la place, pousse la voix. Yeah, yeah, yo, passe le mic, tu passes la pétard. Yeah, yeah, yo, ah, bouge de bouge de là, check mon Louis Poplou là, là, hey yo, toc, toc, qui est là, le son qui flex la beurre. Renoir, c'est pour Roblou, la chère qui fume de la beurre. AMC, ici, assis, sur le MIC, même si tu peux pas me voir MC. You can see when I can see. Ma technique de frappe au macrophone à con qui rit pas, ne rit pas. Si je prends la scène d'assaut, ne flippe pas. MC, ça prend la bataille, quand je te mets la pression. Élection du MC, boss, sac, se flèche, sexe, conflexion. Les titans débutants qui butent les bisous à bout portant. Que la foudre, ça va, surtout en moi, c'est pas important. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. C'est le fond, poste à flex, et mec, je sais que t'attrapes la haine. J'en place une pour Zizi, Jimmy, pour qu'on le jette, le feu jette. Cracher la note, on veut pas que te jette. Aujourd'hui, pas de prise de teuté, on fait la teufée. Cache pas tout, refais ce plat, arrête tes œufs à pleuver. Costa, Brouhaha, Jomon, et Finesse sur scène. Le 9-3 dans la place, scène, scène, star. Ambiance malsaine, bouge de bouge de là, bouge ton cul de là. Et check mon hip hop loup là. Yeah, yeah, yo. Costa dans la place, pousse la voix. Yeah, yeah, yo. Passe le mic, tu passes la pétard. Yeah, yeah, yo. Pour bebop, loula, et suce-moi comme un pouce-pop. Pour tous les MC qui se croient au top, débarque à 30 en soirée et rentre chez eux en autostop. Le fora ne s'arrête pas que t'aimes, même si c'est ce que t'aimes. Danse-moi une fois sur deux négos, ce sera ton baptême. Sinon c'est triple S sur la tempe, le doigt sur la gâchette. Achète-toi une tête ou va chez moi, prends une débout et bois la santé. Le flex va valer pour du MICR au PHON. Je dégaine, je fais l'utilisateur de la sodomie, va pas comme couler sa HN. Ouais, pour 9 suites sur le 8, comme un comme again. Si c'est trop fort pour toi, j'ai là. Ou check mon hip hop loup là. Yeah, yeah, yo. Fais ça dans la place, pousse la voix. Yeah, yeah, yo. Passe le mic, tu passes la pétard. Yeah, yeah, yo. Bouge de bouge de là. Check mon hip hop loup là. Yeah, yeah, yo. Fais ça dans la place, pousse la voix. Yeah, yeah, yo. Passe le mic, tu passes la pétard. Yeah, yeah, yo. Bouge de bouge de là. Check mon hip hop loup là. Check le hip hop loup là. Du 9-3 là. Desserre les fesses, les flex, occupe de pas au cas où le chaos très peur. Laisse sortir de la vapeur, je kick avec mes nags, je nique avec le mic et tu sais. Mais tu préfères jouer à la mauvaise foi et c'est nul, c'est nah. Surtout que t'as rien à gagner, mais c'est comme c'est du gars. Le prix maintenant qu'à toi laisse plus le cas. Bouge ton bassin comme si tu t'es du oula ou ha. Et check mon hip hop loup là. Yeah, yeah, yo. Poste dans la place, pousse la voix. Yeah, yeah, yo. Passe le mic, joue pas ta pédale. Yeah, yeah, yo. Pas considérer la menace, mec. Je serai placé fatal, faut pas te mettre. Néanmoins c'est normal. Oui, je sais ça fait mal. Mal au mental, le mal au moral. De découvrir sa prière, ton bal. Perforé par les balles, les rituels de la nouvelle école, la vie de monopole. Prête à travailler comme dans une coopérative agricole. Prête à effacer les vestiges du passé, les symboles. Dans les cartes de ta part et tu finis dans le formol. Mec, de la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Rester fort que pour se mettre à l'abri. Que ceux qui n'ont pas compris restent sur la souche à vie. Attention à l'impact, si tu n'es pas compact. Au contact des cercles qu'a vu, il reste des contracteurs. Car les jeunes MC n'y vont pas demain. Avec pour objectif de n'y frapper à la boxe. Sans complexe, relégant les ringards à l'annexe. Avec un doigt tendu plutôt le majeur de l'index. Ils sont nés dedans, s'inspirent de notre talent. Bénéficier de nos erreurs et on se gagne du temps. Évidemment, c'est la règle du jeu. Et sachez que je suis fier d'avoir participer à l'évolution de cette fraction. Armée de l'élite, c'est passé, c'est pour ma section. A chacun d'entre nous, sous la devoir dira bien sa mission. Sa mission. A qui m'en est de vous dire avant de quitter le rang tant qu'il en est temps. Quand on vend-il le temps, talent tout en respectant les règles dans les protocoles, d'accord. 100% il faut pas combien. Ah moi je suis un puriste, un funambule équilibriste. Un rêve de voir son art sillonner la bonne piste en poste pour stopper l'imposture comme la peste. Que la nouvelle école prenne ceci comme un manifeste. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Dans la soupe, cela ne fait pas de doute. Tu vas monter les mains au-dessus. Flippe ta mère et remercie si. Les phrases sont enverbes énormément de tristement. Tu peux me faire comprendre. Pas de mépris sur l'analyse, mais tu peux te détendre. Sinon plus sur du flow, le volément est au niveau. Même en solo, bravo, c'est chaud. Vas-y, chez en les kilos. Oh, pas de blague, pas de gaffe, pas de gag. Oh, repère bien l'endroit où tu gagues. Car je vous rappelle que le parcours plus difficile n'est que les gars qui nous éclatent. Du départ n'est pas du au hasard, mais au travail. Le vrai combat, ce qui est de bien. Tiennent le gouvernement, mérite une médaille sur ce bye bye. Bonne chance et bon vol. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Avec mes Nike, sur le beat, pour les beat, juste me là, juste là où j'habite. star. Mon style est tellement fort que les surmontants il fait crier les muets. Dans ce lac, tu réveilles les morts. Mon putain de flow coule encore plus qu'une putain de chatte malgré les yards. Coupe ta platine, gars, je sens que t'as envie de t'étrangler. À l'aise, la falaise, le choc de la fraise. Du haut de la falaise, je baisse car je viens du 93. Ouais, j'arrive de nulle part et pas près de Rodipa. Ma place, le fait d'un squat dans les crocs, mis dans les tipas. Respecte le bon gars de l'élec, bosse ta flex. J'efface le sale face avec mon style et du type exayant. Ne viens pas tester, je mets trop d'MC à la monde donc je suis détesté. Sur le beat, tiens, je prime, qui frappe avec mes lives. Trop de MC se disent, puis ça sur le mic. J'ai du one style, je le vois, je la flèche, mon chien. King avec mes Nike, sur le beat, tiens, pour les beats, tiens. Juste me là, tu sais où j'habite, tiens. Busta Flex, donc respecte ma quête in effect. Chocolat direct, c'est qu'à tous les faux du move qui se la pète. Reste vrai et représente le vrai hip hop. Celui qui se moque du rock et qui ne baisse pas son fuck. Le HIPH, je fais sa place en silence. Mais personne ne pense qu'en France on avance dans le bon sens. Donc j'ai décidé de prendre le mic, d'imposer mon style sur les pas comme des éclaboussures de flaque. De la tronc qui joue les macs, qui mérite des claques. Représente bien, reste près toi pour ne pas qu'on te braque. Ta méthode man est trop redman pour que tu joues les biggies. Tu seras jamais hip hop même si tu portes des teams des baggies. Et quand je suis dans la place, c'est vous passer comme Shaggy. Spécial big up pour mon DJ qui représente pour le bourget. Voilà ta vraie sauce pour un 996 Funk Presta Flex. Possède une fois de plus la recette. Sur le beat, tiens, écoute ça. Sur le beat, tiens, je prime qui frappe avec mes likes. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Encore que cela chante. Verso les mêmes vies, recto flouze, Merco Benz, verso les mères, se lèvent très tôt pour des petites. Dans les fils tchats, même tac, dadas, plein de chichis. S'achète le même tac, ça cher, ainsi si. La vie est une chanson, ils en sont refrain. Et à la fin de chaque couplet, ils se répètent. J'ai rien. Tous gosses grillés, immigrés sans fric, rêvant d'un fils à la fac. On se dit fort, la school et son BEP. C'est l'automne, toute l'année, je suis un arbre. Les potes tombent de mes branches. De marbre, il me laisse navré. Je parle pas que moi, mais toi aussi, je sais que tu le sais. Si tu choisis dans l'île, devant tes potes, je sais que chez toi, t'es die. Ça priste, quel triste texte. J'essaie d'être gay, mais j'écris ce que j'ai. Trop 20 moins 1, les gars se croisent avec des regards nerveux juste parce qu'ils sont voisins. C'est naze.

música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Peca. Un mensaje extraño de ese pillo, el acertijo, el dúo dinámico. Le dieron su merecido al acertijo, pero este los engañó con una demanda de $1,000,000 contra Batman. Oh, alegría para el acertijo. Oh, pesimismo para Batman. Pero entonces vino otra pista que llevó a Batman a una trampa Batusi y que lo tiró de espaldas. Y luego Robin fue herido. El acertijo iba adelante. La ciudad gótica estaba horrorizada. Robin parecía totalmente liquidado. Pero no, esperen. Todavía falta lo peor. Couldn't we leave? Well, I'm about to get upset. Watching my TV, checking out the news, I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to bed every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watch them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it, cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets a machine gun from her seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. These times I hear something would say, you want to go and do your in, cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing begin, but I'll bet there won't be many live to see it really end. Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right. And if a million more agree, there ain't no great society, as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. Unless your uncle owns the store, you know the five and every four just won't amount to nothing more. They'll watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son.

my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he hands you a dime, he asks you with a grin if you're having a good time, and he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Face just for kicks. His bedroom window is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. No more. No, I ain't gonna work for Maggie's ma no more. Well, she talks to all the servants about man and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's ma no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Just like I am, but everybody wants you to be just like them. They say sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Hoy en el single de hoy. La perseverancia es esa obstinación que nos titula de exitosos cuando logramos el cometido, pero también es la que nos tilda de locos cuando no lo conseguimos.